J'aime quand le vent nous taquine, quand il joue dans tes cheveux, quand tu te fais ballerine pour le suivre à pas gracieux. J'aime quand tu reviens ravie pour te jeter à mon cou, quand tu te fais petite fille pour t'asseoir sur mes genoux. J'aime le calme crépuscule quand il s'installe à pas de loup. Mais j'aime à espérer crédule qu'il s'embraserait pour tout. J'aime ta main qui me rassure quand je me perds dans le noir. Et ta voix, elle murmure de la source de l'espoir. J'aime quand tes yeux couleur de brume me font un manteau de douceur, et comme sur un coussin de plume mon front se pose sur ton cœur.